La perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles et pour marquer le coup de cette 500e émission, nous allons prendre un chemin de traverse, nous allons remonter dans le temps, plus loin qu'à l'accoutumée, et nous pencher sur la glorieuse histoire du Conseil National de la Résistance, le fameux CNR ou comment. Un groupe d'hommes a rédigé clandestinement en pleine occupation allemande une série de grandes mesures politiques et sociales qui influent encore sur nos vies. Le CNR, c'est d'abord un texte. Oh, un texte court, 2870 mots, avec deux parties distinctes pour une action en deux temps. Un plan d'action immédiat pour organiser la riposte contre l'occupation nazie et le régime de Vichy, suivi d'un ensemble de mesures à appliquer dès la libération. Pour écrire ce texte, une vingtaine de résistants affublés de surnoms pittoresques se réunissent en secret dès le mois de mai 1943. Ils ont pour la plupart entre 25 et 40 ans. Pendant plusieurs mois, ils débattent en secret, malgré leurs différences politiques, et ils accouchent de quelques feuillets limpides et d'un titre lumineux, « Les jours heureux ». Dans cette république, la troisième, qui s'est couchée, déshonorée, une voix unie s'élève pour promouvoir et surtout pour croire en un avenir joyeux, un champ des possibles, après l'infamie. Un an plus tard, au printemps 44, la base du modèle social français est posée. Jamais peut-être la notion d'État-providence n'avait pris autant de sens. La sécurité sociale, les retraites, la création d'EDF, les grandes nationalisations, la liberté de la presse, oui. Toutes ces grandes mesures de l'après-guerre sont le fruit de la réflexion et des débats de la résistance unifiés sous ces trois lettres, CNR, à qui nous devons tant. Notre invité aujourd'hui, Gilles Perret, réalisateur, auteur notamment des Jours Heureux ainsi que de La Sociale, deux films documentaires qui évoquent ce programme et les avancées majeures qu'il a engendrées. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Balandras, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Ici Londres, les Français parlent aux Français. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Les girafes ne portent pas de faux col. Clémentine peut se curer les dents. Andromaque se parfume à la lavande. Nous répétons, Andromaque se parfume à la lavande. Jeanne a faim. Grand-père mange nos bonbons. Il est temps de cueillir les tomates. Ce jeudi 27 mai 1943, pendant qu'Andromaque se parfume à la lavande, il y a un peu plus d'activité que d'habitude à l'entrée de l'immeuble de 48 rue du Four, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. À intervalles réguliers, plusieurs petits groupes d'hommes poussent discrètement la lourde porte. Chapeau mou, imperméable, des messieurs tout le monde. Dehors, la milice et la Gestapo font régner la terreur et arrêtent par grappes entières ceux qui osent se dresser contre l'État collaborationniste de Vichy. En tout, ils sont 19 responsables de la résistance et des partis politiques à prendre place dans l'appartement du premier étage. Autour de la table du petit salon se trouve Jean Moulin, qu'on ne présente plus, accompagné de deux collaborateurs fidèles, Pierre Meunier, dit Morlaix, et Robert Chambérou, dit Champion. Jacques de Bubridel, qu'on appelle Argonne, est présent également ce jour-là. Plus tard, en août 1976, il rappelle la liste des participants dans l'émission Chronique du Temps de l'Ombre sur Antenne 2. C'est la réunion de la rue du Four où nous nous retrouvons. C'était présidé par Marx, justement. Il y avait là le Trocker pour le Parti Socialiste, Rucard pour les radicaux, Laniel, Simon représentait l'OCM parce que Bloch-Mascar boudait aussi, n'avait pas voulu venir. Il y avait mon ami Pierre Villon pour le Front National. Pour la CGT, il y avait Saillant. Et pour la Confédération chrétienne, c'était Texier. Jean Moulin, Max, est en effet l'instigateur de la réunion. Il commence par lire un long message manuscrit du général de Gaulle. C'est ensuite Georges Bidault, dit Bip, un démocrate chrétien à qui le général aurait dit le 26 août 1944, lors du défilé de la libération de Paris, « Redressez-vous, Bidault !» Eh bien, c'est cet homme-là qui présente une motion. Et là est bien l'objectif principal de la réunion, acter l'union des différents mouvements de la résistance intérieure et reconnaître le général de Gaulle comme leur chef. Georges Bidault et Jacques de Bubridel, toujours, se souviennent. J'ai été à la réunion de la rue du Four et ce que souhaitait Max, c'était que ce Conseil national de la résistance servît de point d'appui et de consécration, oui. À De Gaulle. Bien d'abord, nous avons reconnu De Gaulle comme le seul porte-parole de la résistance française. Pardon. Et déclaré que la résistance française le considérait comme son chef. Ça n'a pas été, du reste, sans une discussion. Ce 27 mai 1943, une première marche est gravie et les résistances deviennent la résistance. Une union sacrée, mais fragile. Pour De Gaulle, ce ralliement est décisif, notamment parce qu'il marginalise le général Giraud, soutenu jusque-là par les alliés américains qui voient en lui le futur leader du pays. C'est donc fort de son union de la résistance que Charles De Gaulle devient le seul chef reconnu de la France libre. Il prend la tête du Comité français de libération nationale, le CFLN, dont le relais en métropole est le CNR. Jean Moulin, lui, a la lourde tâche de présider ce dernier en pleine France, occupé d'en faire converger les différentes tendances, d'où les risques qu'il a pris et sa fin tragique. Au sein de ce CNR, pourtant très disparate, naissent des amitiés qui perdureront des décennies. Mais alors, comment des hommes aux convictions si différentes ont-ils réussi à travailler ensemble ? Pour mieux comprendre cette histoire, il convient de revenir sur les forces en tension et finalement l'histoire de la résistance intérieure avec cette question : comment un général inconnu est-il devenu le chef de la France libre ? Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Général de Gaulle. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Quand le général lance son appel le 18 juin 1940, au lendemain de la demande d'armistice de Pétain, ils sont très peu à l'avoir entendu. Voilà un militaire quasi anonyme qui refuse la capitulation. Et en plus, il croit en la victoire et demande, par le biais de la radio à Londres, que les Français le rejoignent pour organiser la riposte. En juillet 40, ils sont environ 2000 à répondre à l'appel, des jeunes gens de 17 ou 18 ans, ouvriers et paysans pour la plupart. Au même moment, dans la France occupée, à la fin de l'année 1940, les premiers signes de résistance intérieure apparaissent. Quelques groupes se forment de manière spontanée. Les premiers tracts et journaux clandestins circulent. Durant l'année 41, Jean Moulin fait un inventaire de ces petits groupes avant de filer à Londres le 20 octobre de la même année pour rencontrer le général. Là, il lui livre le fruit de son enquête. Les réseaux sont fragiles, isolés, sans moyens ni stratégies élaborées, les communications sont difficiles. Jean Moulin est convaincu qu'il faut établir une résistance métropolitaine active et transpartisane avec une organisation militaire centralisée. De Gaulle se laisse convaincre. Les chefs des différents mouvements de résistance le savent, leur pouvoir de nuisance sera amoindri s'il ne reste qu'un ensemble de groupuscules disloqués. Il est donc nécessaire de coordonner l'action avec l'appui de Londres. En juin 1941, la rupture du pacte de non-agression germano-soviétique fait basculer les communistes dans l'action clandestine. le PCF est et restera le seul parti d'importance à combattre l'envahisseur, notamment avec les milices patriotiques. D'ailleurs, les mouvements de résistance sont à une grande majorité animés par des gens gauches, communistes surtout, ou socialistes. Parmi eux, Jean Moulin. Homme du Front populaire, il a 40 ans. Il est le seul préfet révoqué pour ses positions anti-Vichy. Le 2 janvier 1942, il repart donc de Londres dans un petit avion et se fait parachuter dans les Alpilles. Sa mission, rallier les mouvements en général, coordonner leur action et en extraire une organisation rattachée directement à la France libre. Mais les événements de la guerre font dévier ses objectifs. Loin, très loin de Paris, la victoire soviétique à Stalingrad en février 1943 montre à l'opinion et aux alliés que les nazis ne sont pas invincibles. En mars de la même année, certains commencent donc à croire en la victoire. De Gaulle, lui, veut obtenir le soutien de la résistance intérieure pour prendre la tête de la France libre. Sous son égide, Jean Moulin doit donc unir une constellation de combattants aux appartances politiques différentes. Des communistes, on l'a dit, jusqu'aux hommes de droite qui ne se sont pas compromis dans la collaboration. Mais il tient aussi à ce que les partis politiques fassent partie du Conseil. Dans ce nouvel extrait de Chronique du Temps de l'Ombre, diffusé en août 1976, Claude Bourdet dit Laura et Pascal Copeau dit Salard, deux membres éminents du CNR, expliquent que l'union entre politique et résistants n'a pas été simple. Ce grand désir de rénovation de la France, de transformation, ce sentiment que la Troisième République n'était pas morte, qu'elle s'était suicidée, car à Vichy, c'était tout de même tous les députés de la Troisième République, moins 80, qui avaient voté les pouvoirs à l'abominable Pétain et à son grotesque régime, n'est-ce pas? Nous pensions que ce suicide devait être sanctionné. Alors, on n'était pas du tout chaud quand Moulin a commencé à venir nous parler de la nécessité de constituer un agglomérat qui comprendrait aussi les partis. C'est Moulin lui-même qui d'ailleurs a inventé cette idée de CNR et a convaincu De Gaulle. Il voyait là, au fond, je crois, le moyen d'authentifier De Gaulle et de montrer au monde que la France était avec De Gaulle, y compris les gens qui signifiaient quelque chose pour l'étranger et non pas ces quelques aventuriers que nous étions, nous, les résistants. On savait que, au fond, le capitalisme mondial, représenté par la puissance américaine et accessoirement par la puissance anglaise, n'avait aucune envie de céder le pouvoir à la résistance. Et donc, il fallait faire ce qu'on pouvait pour aider De Gaulle à Londres et à Alger. Et c'est comme ça qu'on s'est incliné. On s'est incliné, pas de bonne volonté. Mais quand la convocation du CNR a été faite, nous y sommes allés. Et parce que les mouvements ne doivent pas se faire concurrence, il faut se souder, malgré les différences. C'est ainsi que la première réunion du CNR voit le jour, sous l'impulsion de Jean Moulin, au 48 de la rue du Four, en mai 1943. À peine un mois plus tard, le 21 juin, à Caluire, dans la banlieue de Lyon, Jean Moulin est arrêté par la Gestapo avec plusieurs responsables de la résistance, dont Raymond Aubrac. Le docteur Dubougeon et Daniel Cordier évoquent les derniers instants de Max dans les actualités françaises de l'ORTF en décembre 1964. Ils l'ont ramené vers la nuit tombante avec un pansement autour de la tête et il boitait. Le jeudi matin, il a été emmené à nouveau à l'interrogatoire. Ramené le jeudi soir, très tard, il était porté, soutenu par deux gardiens de la prison. Il a été veillé toute la nuit, lui donné à boire, et ils l'ont ramené une fois de plus. Le vendredi matin, je ne l'ai jamais revu depuis. Moulin connaissait tout de la résistance, et pas un seul instant, nous n'avons eu peur, car nous étions certains qu'il mourrait comme il est mort sans rien dire. Malgré les longues journées de souffrance, Moulin en effet ne révèle rien à ses tortionnaires, et le CNR est sauvé. Mais les membres survivants décident d'arrêter les séances plénières. Un bureau permanent est désigné, constitué d'un noyau dur de 5 membres qui représentent chacun plusieurs mouvements. Georges Bidault, Bip, prend la présidence. C'est un proche de Moulin et il jouit de la confiance de tous. Au cours du second semestre de 1943, c'est le début de la contre-offensive. Les positions allemandes reculent. En France, la crédibilité du gouvernement de Vichy s'effrite. Les réfractaires au service du travail obligatoire sont de plus en plus nombreux. Bon nombre convergent dans le maquis. La répression de la Gestapo est toujours plus féroce. Les sabotages s'intensifient. Le CNR, lui, agit comme un gouvernement clandestin. Il doit coordonner l'action, travailler sur un programme d'union, regarder l'horizon, oui, mais toujours avec un œil dans le dos. Le programme du Conseil national de la résistance est donc divisé en deux parties. La première est un plan d'action immédiat, l'organisation d'une insurrection armée contre l'occupant allemand. C'est la raison d'être du CNR au départ. Les comités départementaux de la libération sont donc créés. Il s'agit de faire participer à l'échelon local le maximum de Français à la lutte contre l'ennemi. Mais les résistants ne veulent pas mourir pour rien. S'ils doivent se sacrifier, c'est pour que la société change. Pour ces combattants de l'intérieur, l'insurrection et la libération nationale sont les deux faces d'une même pièce. Il faut donc compléter la première partie d'un programme politique pour les jours meilleurs qui s'annoncent, les fameux jours heureux après la victoire. Ainsi, les deux premières phases du préambule de la version finale du texte sont-elles sans équivoque ? La France doit non seulement se débarrasser de l'occupant, elle doit également harmoniser et pacifier la société. Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération. Ce n'est, en effet, qu'en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation, que la France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité. Pour retrouver cet équilibre moral et social, il faut donc un programme. Celui du CNR se fonde sur la tradition des programmes communs de gouvernement, dont la gauche est coutumière depuis le début de la révolution industrielle jusqu'au Front populaire. Dans le bureau du CNR, les débats internes s'animent. En juillet 1943, un premier texte est proposé. Il s'agit du projet Lafont, soutenu par André Philippe et la SFIO. Il puise largement dans le programme socialiste. Il prône une économie d'État, des nationalisations massives, mais aussi en réponse à ces carnages successifs qu'on appelle la guerre, l'abandon des souverainetés nationales avec la création d'une communauté d'États supérieurs appelée Ligue universelle. André Mercier, le représentant du PCF dans le bureau du CNR, est farouchement opposé à cette idée et il reproche également au texte de ne pas aller assez loin sur les questions économiques et sociales, surtout sociales. Joseph Ladiel et Louis Marin, les deux membres les plus à droite du bureau, s'opposent au projet Lafont pour des raisons strictement opposées. Un homme joue alors un rôle crucial dans le groupe, Pierre Villon. Non seulement il propose, mais aussi il use de toute son intelligence et de sa diplomatie pour arriver à un accord. Pour lui, le programme doit être ratifié par tout le monde ou il ne sera pas. À ce titre, le CNR est autant le symbole de l'union de la résistance que de ses contradictions. Pour les membres du Conseil, la vigilance est constante et tout contact direct est proscrit, comme le rappelle Robert Chambéron, alias Champion, dans son livre « Résistant » par Richer Fayard. Pendant les 4 mois de discussion du programme, des textes s'échangeaient par contacts indirects, moyennant beaucoup de risques. Les policiers vérifiaient toujours si les personnes qu'ils arrêtaient n'avaient pas de courrier dans leurs chaussettes. Il n'y avait jamais de contact direct. Je n'ai jamais vu Villon directement. Je passais toujours par un intermédiaire et mon intermédiaire passait à son tour par son intermédiaire. On convenait d'une heure, d'une date, d'un lieu. C'est donc dans ce contexte de clandestinité totale que les différentes mesures sont discutées. Le CNR fait vivre la démocratie en plein milieu d'une dictature. En août 1943, la CGT présente son programme d'action et puis en novembre, c'est au tour du Front National de l'époque, de Pierre Villon, de proposer son projet d'une charte de la résistance. Ces différents textes font l'objet de vifs débats entre communistes et socialistes. Les premiers veulent mettre l'accent sur les mesures immédiates à mettre en œuvre pour gagner la guerre, tandis que le second insiste sur les mesures économiques et sociales à prendre dès la libération. Le texte proposé par Pierre Villon et les siens constitue un compromis, finalement, entre ces deux tendances. Il est d'ailleurs très proche du programme définitif. Trois allers-retours sont tout de même nécessaires entre les membres du bureau permanent du CNR. Ils aboutissent au texte final, au terme de 9 mois de courriers clandestins échangés, de compromis et de rédaction. Le texte est adopté à l'unanimité le 15 mars 1944, puis diffusé dans la foulée sous la forme de tracts ainsi que dans des journaux interdits. Les rotatives des imprimeries clandestines tournent à plein régime. C'est un programme visionnaire, courageux, qui entend bien tirer les leçons de la grande crise économique des années 30, qui a plongé le monde dans l'horreur du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale. Au printemps 44, les Alliés débarquent en Normandie et le 25 août, Paris est libéré. Grâce au rapport de force instauré par le CNR et le général de Gaulle face aux Alliés, ce sont donc des Français issus de la résistance et non des officiers américains, comme le voulait Roosevelt, qui se substituent aux fonctionnaires de Vichy. Et c'est aussi grâce à ce rapport de force que de Gaulle est invité à la table des vainqueurs de la guerre. Paris riait, pleurait de joie devant ces hommes, partis depuis 4 ans, au jour de la défaite, les mains nues, et qui revenaient avec des armes, avec des canons, avec la victoire. Et le lendemain, le général de Gaulle descendait les Champs-Élysées à pied, entouré par ceux qui avaient combattu avec lui hors de France et en France. Ce visage qui nous est familier aujourd'hui, la France le découvrait enfin. Elle ne connaissait encore que sa voix, et l'acclamation du peuple libéré déferlait à travers la ville, cri de reconnaissance et d'espoir. La France rentrait en France. This land is your land, and this land is my land. California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, and the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me. Quand de Gaulle prend le pouvoir, on savait ce qu'il allait faire. Il allait appliquer, dans toute la mesure du possible, le programme du CNR. Ce qui s'est passé. Le général de Gaulle va parler à la France. Et Paris tout entier l'écoute et l'entend, groupé autour des haut-parleurs qui vont porter la voix désormais familière à la ville tout entière, au pays et au monde. La France, elle veut faire que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. La fièvre de la libération entraîne une volonté générale de changement politique profond. La majorité des formations est d'ailleurs très favorable à l'application des mesures prônées par le CNR. Le 2 mars 1945, le PCF et les socialistes passent un accord, et même le MRP, d'habitude plus modéré parce que centriste, semble pris d'une fièvre révolutionnaire. Le général, lui, garde ses distances avec le Conseil, mais ne désavoue pas les idées du programme, ce qui revient à dire qu'il y adhère. Avec le général au pouvoir, de nombreux résistants s'engagent ou se réengagent dans la vie politique. Georges Bidault devient ministre des Affaires étrangères et il est remplacé à la tête du CNR par le syndicaliste CGT Louis Saillant. La toute nouvelle 4e République poursuit la politique d'union nationale initiée par les résistants. Mais oui, on retrouve ainsi les trois grandes formations liées à la résistance, communiste, socialiste, démocrate chrétien, qui se partagent le pouvoir dans différents gouvernements, on appelait ça le tripartisme. La grande majorité des acteurs politiques semblent d'accord. Il faut contraindre le capitalisme et en finir avec la domination des puissances de l'argent. Ainsi, la plupart des dirigeants politiques de l'époque soutiennent-ils le programme des jours heureux ? Il sera donc appliqué. On l'aura compris, les mesures les plus fortes sont économiques et sociales. Deux points que le CNR n'a pas voulu séparer. Chaque ligne de force du programme est ponctuée d'une série de lois ambitieuses. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Le 2 décembre 1945, la loi de nationalisation du crédit est adoptée. La Banque de France et quatre grandes banques de dépôt sont concernées. Cette loi doit libérer l'État de l'influence des grands établissements de crédit et protéger les épargnants. Elle montre aussi à quel point les gens du CNR ont compris que ce sont les dérives du capitalisme sauvage qui ont mené à la crise économique, laquelle a mené à la guerre. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Fin 44, une grande politique de nationalisation est lancée. D'abord les houillères du Nord-Pas-de-Calais, puis les usines Renault et surtout le gaz et l'électricité avec la création d'EDF, et puis la nationalisation des charbonnages de France, ainsi que le contrôle de l'État sur la marine marchande. Le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail. Un rajustement important des salaires, et la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine. Par la loi du 21 février 1946, la semaine de 40 heures est rétablie avec paiement des heures supplémentaires, mesure phare du Front populaire que le régime de Vichy avait aboli pour repasser la semaine de 60 heures. Dans la foulée, en 1950, le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, est créé. La reconstitution dans ses libertés traditionnelles d'un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale. Le régime de Vichy avait interdit les syndicats, ils sont donc rétablis dès la libération. Nombre de syndicalistes se sont engagés dans la résistance. Ils deviennent très puissants. La CGT compte 5,5 millions d'adhérents dès 1946. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. C'est la mesure phare du CNR, la plus emblématique, l'extension à tous d'un régime d'assurance sociale. Le projet est porté principalement par le ministre communiste Ambroise Croizat. Le directeur des assurances sociales s'appelle Pierre Larocque et c'est lui qui met en œuvre la sécurité sociale en octobre 1945, une loi qui inclut également la retraite des personnes âgées sur la base de la répartition. C'est un vent nouveau qui souffle sur un pays qui redresse la tête. Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures. Il supprime l'abattement de 10% sur les salaires des femmes. Aux jeunes travailleurs, 3 semaines de congés payés. Pour les mères, prestations familiales doublées, allocations prénatales, primes à la naissance plus fortes et plus nombreuses, primes d'allaitement doublées. Lutte contre la tuberculose. Toutes les réformes qui ont été appliquées entre 45 et 47, les nationalisations, le plan, la sécurité sociale, enfin pour ne mentionner que les plus importantes, c'était la résultante immédiate du programme de résistance. De Gaulle, il l'a accepté. Comme le dit Jean-Louis Crémieux-Briac dans cet extrait du film « Les jours heureux », les grandes réformes de l'immédiate après-guerre sont effectivement et directement inspirées par le programme du CNR. Cependant, toutes les mesures des conseils ne sont pas suivies. Par exemple, le retrait des colonies et le projet de réforme de l'éducation nationale passent aux oubliettes. Pendant 2 ans, des lois importantes sont votées et l'unité est instaurée dans un appartement de Saint-Germain, jour de mai 1943. Tiens, bon, oui, et jusqu'en 1947. Cette année-là, le vent de la guerre froide arrive et les clivages s'accentuent entre les partisans d'un modèle libéral et ceux d'un modèle étatiste. Et puis c'est la rupture. Les ministres communistes quittent le gouvernement. Malgré tout, l'économie est florissante et pendant une trentaine d'années, l'état social instauré par le programme du CNR tient bon. À Paris, dans la nuit glaciale du 19 décembre 1964, les restes de Jean Moulin sont conduits au Panthéon. Sur la façade, on peut lire « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Pour Jean Moulin, c'était bien le moins qu'on puisse dire et faire. La voix chevrotante de Malraux et la cérémonie solennelle marquent la gratitude de l'État pour cet homme qui s'est tué. Celui qu'on appelait Max, fondateur du CNR, resté dans l'ombre toute sa vie et obsédé par l'union des mouvements de la résistance. Et alors qu'il entre aussi dans les livres d'histoire et que son nom est donné à de nombreuses écoles, dans les années qui suivent, pas à pas, la société change. Dans la décennie 70, les crises pétrolières plongent le monde dans une nouvelle crise économique. Puis, dans les années 80, le capitalisme se transforme, il se financiarise. Des politiques néolibérales grignotent petit à petit ce qui avait été mis en place à la libération. Et en 1986, on assiste à une première grande série de privatisations. Première entreprise privatisée, Saint-Gobain. Les grandes sociétés nationalisées à la Libération devraient suivre ainsi qu'une ou plusieurs chaînes de télévision. Édouard Balladur l'a annoncé, la vieille dame nationalisée en 1945 sera privatisée parce que le gouvernement veut, dit-il, changer les règles du jeu de notre économie. Il s'agit d'abord des 3 banques nationalisées à la Libération, la Société Générale, le Crédit Lyonnais et la Banque Nationale de Paris. Ensuite, des 3 compagnies d'assurance nationalisées en 1946. Le ministre de l'économie n'est pas opposé à l'ouverture du capital de France Télécom. Le gouvernement actuel ne revient donc pas sur la décision du gouvernement Juppé et sur les engagements pris en ce sens à Bruxelles. Ainsi, dans cette décennie, l'idéologie néolibérale colonise l'ensemble de la société. Petit à petit, on stigmatise l'État-providence et ses charges sociales coûteuses. Les milieux intellectuels et politiques, mais aussi le grand public, se laissent embarquer dans cette nouvelle doctrine. En 1989, les plus grandes compagnies d'assurance sont privatisées par le gouvernement Chirac avant que la loi E20 n'officialise l'entrée d'assurance privée dans la complémentaire maladie. À pas feutrés, dans le silence de l'hémicycle, le grand pacte social français impulsé par le CNR est fragilisé. Et au fil des ans, les gouvernements perdent leur pouvoir au profit des marchés financiers et des grands conglomérats. Dans les années 2000, la société française reste consciente et fière de son modèle social, mais empêtrée dans le jeu de la libre concurrence et de la mondialisation, les inégalités se creusent, on rogne sur les budgets publics. Les digues mises en place par le CNR cèdent peu à peu. En 2010, finalement, c'est un petit livre paru en catimini dans une modeste maison d'édition montpelliéraine qui fait connaître à nouveau le programme du CNR. Indignez-vous de Stéphane Hessel. L'auteur, un ancien résistant déporté à Buchenwald, dresse dans son pamphlet des parallèles entre les idées défendues par le CNR et le malaise d'une société française qui a perdu ses repères républicains. 3 millions d'exemplaires sont vendus et le 30 novembre 2014, une page se tourne. Robert Chambeyron, souvenez-vous, champion, ultime survivant du CNR, meurt à l'âge de 99 ans. Une chose est certaine, de nombreux résistants ont risqué, voire perdu leur vie pour nous transmettre les 2870 mots du programme du CNR. Ils se faisaient appeler Max, Colbert, Argonne, Morlaix, Bip, ou encore Champion. Et même si l'histoire de leur union reste méconnue, le programme des jours heureux a permis une application en acte de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, à la fois idéal et réalité. Bien qu'écorné par la crise économique, ce triptyque reste une balise, que dis-je, un phare. Aujourd'hui n'existe plus, vois les tunnels qu'on a pris, vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus, aujourd'hui n'existe plus, aube et crépuscule confondus, et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. Dès le début, la vie a pris et la lumière donnait à plein. C'était brutal et froid aussi. La peau bleuissait dans le bain. Quand c'est parti à toute allure, certains ont réduit la voilure. D'autres ne savaient pas freiner. Et tant d'arbres s'en sont mêlés. Aujourd'hui n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris, vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus, aujourd'hui n'existe plus. Aube et crépuscule confondus, et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. On avait des histoires en nombre, on n'avait qu'à se décider pour en prendre une et l'adopter. Et la faire entrer dans le monde. Matins pâles et bariolés se côtoyaient, perçant la brume. Vacant de quart en quart de lune, rien pouvait nous rassasier. Aujourd'hui n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris, vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. Aube et crépuscule confondu, et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le CNR et son œuvre gigantesque. Œuvre sociale, avec notre invité Gilles Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, auteur de nombreux films sur les luttes sociales et la résistance, et vous avez notamment réalisé Les Jours Heureux, dont nous avons entendu de nombreux extraits pendant le récit, et j'en profite pour vous remercier. Une petite précision, on a parlé du Front National de l'époque, mais qui n'a rien à voir avec celui-là, c'est on fait tous front pour la nation, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ça, oui, non, hein. C'est important de le préciser. Mais évidemment, oui. Que le Front National de l'époque, c'était une émanation du Parti communiste, dont le représentant au CNR était Pierre Villon, injustement méconnu. Et évidemment que le Front National d'aujourd'hui, il n'était pas forcément du côté du CNR, si vous voyez ce que je veux dire, à l'époque. Alors, vous savez qu'il y avait une certaine émotion à lire le catalogue, pendant le récit, le catalogue des mesures sociales. Je pensais à presque une déclaration des droits de l'homme. Il y a quelque chose des droits de l'homme dans le droit du travail, dans le droit à la protection sociale. Et il est puissant, ce texte, incroyablement puissant. Et vous me disiez tout à l'heure... qu'il est impossible d'aller fouiller dans plusieurs thèses, tout simplement parce qu'elles n'existent pas. Il n'y aurait qu'une thèse. Enfin, il y a eu quasiment dingue. Pas de travail dessus. Il y a une méconnaissance totale d'un programme qui nous concerne tous, quasiment tous les jours. Donc c'est presque honteux, on peut dire. Mais oui. C'est le cas de l'histoire sociale en général. Globalement, on ne peut pas dire qu'elle soit très bien enseignée. Mais là, quand même. Oui, là, quand même. Mais là, je pense que le contexte historique explique ça. Il y a une thèse qui a été faite en 1982 par une historienne qui s'appelle Claire Andrieux. Sinon, rien. Il faut attendre les années 2000, plus que 2000. Et nous, avec l'édition d'un bouquin qui s'appelle Les Jours Heureux et les films que j'ai consacrés pour parler du CNR, c'est quand même grave. Au moment où tous ces anciens résistants allaient mourir, il faut attendre, et c'est incroyable. Mais bon, vous savez, je crois que cette histoire-là, c'est surtout une histoire populaire, une histoire de lutte, une histoire de bataille, et c'est pas forcément cette histoire. Je pense que vous connaissez l'adage qui dit tant que les lapins n'auront pas d'historien, leur histoire sera racontée par les chasseurs. Et donc, en fait, l'histoire... Il va mal barrer, ces pauvres lapins. Non, mais l'histoire populaire et cette histoire de gauche et cette histoire de combat syndical, pendant toute la période gaulliste, c'était pas forcément très tendance de la raconter. Et ceux qui auraient pu la raconter, à la limite, c'était les socialistes qui arrivent au pouvoir dans les années 80, mais eux sont déjà dans une logique de libéralisation, ils lancent les privatisations, c'est eux qui mettent en place les libéralisations financières, donc finalement, ce pauvre programme du CNR, ils se sentaient un peu mal pour le raconter, parce qu'ils tournaient de dos à leurs idéaux. Donc du coup, finalement, les années ont passé, et là, on court après cette histoire-là pour essayer de la remettre sur le devant de la scène. Stéphane Hessel, quand même. Oui, bien sûr. Ah, ça vient. C'était important, ça. Oui, oui. C'était issu, en fait, Stéphane Hessel, moi, je l'avais connu par un appel qui avait eu lieu en 2004 d'anciens résistants pour appeler aux valeurs du Conseil national de la Résistance à l'occasion du 60e anniversaire du Conseil national de la Résistance. Et parallèlement à mon activité de documentariste, on organise chaque année depuis 2007 un rassemblement qui s'appelle Parole de Résistance au plateau des Glières. Cette année, j'en profite. Ce sera les 1, 2, 3 juin. Et vous avez raison. Notons, 1er, 2, 3 juin, plateau des Glières, Haute-Savoie. Oui, c'est ça. Et donc du coup, on avait fait venir Stéphane Hessel, que personne ne connaissait à l'époque, et il avait prononcé un discours magnifique sur l'actualité du programme du Conseil National de la Résistance. Tout le monde avait les larmes aux yeux, et c'était très très émouvant. Et du coup, j'avais repris ce discours dans le film, un précédent film que j'avais fait qui s'appelle Walter Retour en Résistance. J'avais repris ce discours magnifique, et l'éditrice, justement des éditions indigènes, était tombée sur ce film et m'avait appelé en me demandant si elle avait pour projet de faire un petit bouquin, mais sans aucune prétention. Il voulait tirer ça à 1000 ou 2000 exemplaires, indignez-vous. Et dans ce bouquin, effectivement, il y a la retranscription de ce discours au plateau des Glières qui mentionne le programme du CNR. Et ensuite, on sait ce qu'il advient à la fois de la notoriété de Stéphane Hessel et de ce petit bouquin, quoi, de cet extraordinaire moment qu'on a vécu en commun avec ce personnage extraordinaire qu'est Stéphane Hessel, qui n'avait pas besoin de moi pour être connu. Il faut juste qu'à un moment donné, il y ait l'étincelle qui fasse que tout d'un coup, il est mis devant la scène. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres occasions, mais là, en tout cas, c'était chouette et c'était une belle aventure, tout et ça après. Et mieux vaut tard que jamais. Oui, hein. bien sûr. Donc merci Stéphane Hessel. Alors, ce qui est impressionnant aussi dans ce récit, c'est qu'on voit à quel point les gens du CNR ont tiré les leçons de l'histoire. Parce que les grands tourments et les grands malheurs de l'histoire viennent aussi du fait qu'on ne sait pas en tirer les leçons. Mais oui, là, ils en tirent les leçons de l'histoire. Ils voient ce que le capitalisme sauvage peut faire, peut déboucher, que certaines industries de guerre, forcément, encouragent la guerre. Et que l'État doit arriver pour être régulateur. Bah, bien sûr. La place de l'État dans ces moments-là est fondamentale. Effectivement, l'instauration du programme du CNR, c'est la réhabilitation de l'État pour endiguer, pour contraindre le capitalisme et pour limiter ses méfaits. Et eux, effectivement, ils avaient vécu la crise de 1929. Ils étaient la plupart ceux qui mènent la barque au sein de ce programme du CNR, ce sont les communistes et la CGT principalement à la fin de la rédaction. Et eux, ils savaient ce qui avait créé le marasme. Et donc, il fallait pas revivre ça. Et donc, eux, au moins, tirent les leçons de l'histoire. Ce serait peut-être bien qu'on les tire aussi en ce moment, peut-être, ces leçons-là. On va écouter l'archive ensemble, vous voulez bien. Robert Chambeyron, bah oui, on l'a cité, Robert Chambeyron. Personnage formidable. Et ouais, qui parle dans votre film Les Jours Heureux. Il parle des gaullistes, on l'écoute. Vous savez, c'est une mine, hein, les déclarations de De Gaulle pendant 4 ans. C'est formidable quand vous lisez ça. D'ailleurs, j'ai souvent dans des controverses avec les gaullistes, je leur ai dit, vous devriez lire les mémoires du général, ça vous serait utile, puis vous apprendriez quelque chose au moins. Ils les ont jamais lus. Vous n'êtes pas gentil avec eux? Non, je ne suis pas gentil en général. Ah non, ça je ne suis pas gentil en général. Ils le savent d'ailleurs. Ça, je n'ai jamais eu le sentiment qu'on me prenait pour un monsieur gentil. Gilbert. Oui, non, j'aime beaucoup cet extrait de ce film parce que j'aime bien quand il dit « moi je suis pas un monsieur gentil ». Oui, je suis pas parce gentil, moi. Globalement, j'ai eu beaucoup de chance de côtoyer tous ces anciens résistants et globalement, c'est sûr que c'est pas le trait dominant, la gentillesse de ces gens-là. En tout cas, c'est pas des gens consensuels, c'est tous des forts caractères, très optimistes, parce que pour déjà intituler un programme « Les jours heureux » dans une période aussi noire, fallait quand même y croire. Et c'était des teigneux. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec Raymond Aubrac et tout, c'est des gens qui ne lâchaient rien et tout ça pour vous dire que finalement, cette histoire du programme du Conseil national de la Résistance, c'est une histoire de bagarre ici aussi en interne et une histoire de rapport de force avec des gens qui ne lâchent rien. Alors justement, quel était le rapport du général de Gaulle avec ce CNR ? Alors, lui, il avait besoin du CNR pour avoir le crédit vis-à-vis des alliés, pour montrer, regardez, la France résistante sur le sol français s'est unifiée et m'ont reconnu comme chef. Donc lui, il a gagné son bras de fer, notamment avec Giraud, et puis ça lui permet d'avoir une place, effectivement, face aux Américains, et que la France ne soit pas administrée, comme ce qui était prévu dans les plans des Américains quand ils sont arrivés sur le sol français. Et après, lui, politiquement, c'est sûr que bon, c'était pas forcément sa tasse de thé, mais lui, il a bien compris que le rapport de force fait qu'il devait laisser passer ça aux forces progressistes, toutes ces mesures, parce que justement, il y avait, comme vous le disiez, il y avait 5,5 millions d'adhérents à la CGT, le Parti communiste avait fait 30%, donc s'il se privait de ces gens-là, ça n'allait pas bien se passer. Mais c'est tout bénéfice, au bout du compte, parce que lui, il représente la France qui ne se couche pas, l'héroïsme, hein. Et il a un socle social à tel point qu'aujourd'hui, certaines personnes, alors qui n'ont pas forcément lu le CNR, disent quelque chose qui est juste, sans savoir pourquoi c'est juste, mais c'est juste, disent, la Sécu, c'est De Gaulle. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même tout bénef. Oui, bien sûr. Ah non, mais c'est sur les deux plans, le général De Gaulle, s'en sort gagnant. Bien sûr. Aussi à la France d'être dans le camp des vainqueurs, puisque pas les Américains qui reprennent l'administration. Non, et bien sûr, faut pas lui enlever ses mérites. Le général De Gaulle, c'était un fin stratège. Et effectivement, faut lui reconnaître le fait qu'il a laissé passer toutes ces mesures sociales, et ce qu'il a bien compris que il fallait les laisser passer, sinon ce serait pas bien allé. Après, c'est vrai que c'est pas vraiment son histoire. Moi, Raymond Aubrac me disait, en même temps, c'est pas forcément le général de Gaulle qu'on a tous en tête. Il me disait toujours, mais tu sais, il y avait deux généraux de Gaulle. Il y avait le général de Gaulle de 44 et le général de Gaulle de 58. Celui de 44, on pouvait pas trop savoir si c'était de gauche, de droite. Celui de 58, on savait un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est vrai que lui, par contre, il y avait une certaine rancœur de la part du CNR parce que le CNR, dans leur tête, ils estimaient qu'à la libération, légitimement, puisqu'eux avaient pris les risques sur le sol français, qu'il était composé de toutes les tendances politiques et syndicales, c'est eux qui devaient être le gouvernement, puisqu'ils étaient pratiquement le gouvernement clandestin souterrain. Ce qui va arriver finalement deux ans plus tard. Pas complètement, mais parce que oui, ça arrive. Le tripartisme, c'est ça, mais c'est quand même le général de Gaulle qui arrive et qui, eux, pensaient être traités à même hauteur entre lui et le CNR, et lui leur fait très vite comprendre, et il y a des images qui sont assez symboliques par rapport à ça, que lui, il va passer devant. Et puis le CNR, on le met un petit peu derrière. Quoi. Alors il y a beau jeu, le général de Gaulle, de parler avec mépris des partis. En fait, que ces partis, comme il dit, c'est quand même eux qui ont fait le CNR. Ah ben bien sûr, hein, oui. Bon, bah, écoutez, une deuxième archive, jamais oubliée. Et évidemment qu'on raconte une histoire de résistants qui ne vont pas à la Réunion comme nous, on va à une Réunion. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire prendre, mourir dans des souffrances atroces, de torture. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et on va écouter une archive autour d'une question sur la peur, les précautions prises, la mort qui rôde et avec laquelle ces résistants vivent chaque jour. On va écouter sur ce point le témoignage de Pierre-Henri Tedjen, témoignage livré en 1976. Si l'on me demandait de résumer ce qu'a été mon existence, celle que je m'en souviens, eh bien je dirais que l'hiver, j'ai eu très froid, que toute l'année, j'ai eu très faim et que j'ai eu peur du matin au soir pendant deux ans. Peur pour ma femme et mes enfants, je ne sais pas où ils étaient, ce qui leur arrivait. Peur pour tous les camarades qu'on envoyait en mission et puis qui ne revenaient pas. Une peur viscérale, permanente. Peut-être qu'il ne faut pas l'avouer. J'ai eu peur pendant deux ans. Et il avoue, c'est encore plus beau. Oui, c'est plus beau. Je crois aussi que c'est ce qui fait aussi la force de ce... Vous imaginez bien, dans les rapports humains, dans ce Conseil national de la Résistance et dans ce Conseil restreint de 5 personnes, on a beau ne pas partager les mêmes opinions politiques, au moins on a du respect parce qu'ils risquaient leur vie dans ces réunions-là. Alors, quand on sait qu'ils étaient là pour l'intérêt général et certainement pas pour les intérêts particuliers, d'où aussi ce programme qui remet systématiquement l'intérêt général devant les intérêts particuliers, sur les lois sur la presse, les lois... Enfin, c'était, ils étaient quand même, et même le général de Gaulle avait cette notion de l'État, de gaullisme. C'est pour ça que quand on entend des gaullistes aujourd'hui et quand on voit les politiques qui prônent, ça fait doucement rigoler, quoi. Mais ils avaient le sens de l'État, le sens de l'intérêt général et surtout le respect mutuel qui était dû effectivement à cette prise de risque qui prenaient en commun, quoi. Alors évidemment, la sécurité sociale, vous avez fait un film, hein, appelé justement La Sociale. Bon, c'est la mesure la plus emblématique, évidemment, du CNR. C'est peut-être pas la plus, ça fait partie des plus importantes, évidemment. Bon, ça reste le symbole absolu. Oui, je crois. Elle avait été appelée la fille de la résistance, en fait, la sécurité sociale. D'accord. Donc c'était assez beau. Effectivement, quand on voit finalement le principe de la sécurité sociale, c'est répartition, par la cotisation, les retraites, les allocations familiales, ça a amélioré, ça a complètement modifié la santé et la vie des gens. On donnait accès à la vie à tout le monde. Et ça, c'est à mon avis la plus belle mesure, la plus humaniste qui puisse. Connu à mon avis et qui est par contre très méconnu dans sa mise en place et qui était à l'origine de ça. Mais ça, c'est encore une question de savoir qui raconte l'histoire et qui a intérêt à la raconter et qui n'a pas intérêt à la raconter. Bon, enfin quand même, cette sécurité sociale a été mise en place. Alors, c'est quand même une usine à gaz quand même. C'est très compliqué cette affaire-là. Ça a fonctionné tout de suite. Il y avait des compétences administratives de la technostructure qui n'avaient pas été décapitées non plus pour mettre ça en place. Oui, au début ils avaient même du mal à recruter parce qu'en fait les gens se disaient c'est un truc tellement utopique, ça va se casser la gueule, quoi. Ça va pas tenir. Donc en fait ils avaient du mal à recruter. 70 ans, elle est toujours là. Après, elle a du mal, mais elle est toujours là. Oui. Et donc du coup ils ont réussi à la mettre en place avec une efficacité redoutable. Mais c'est assez évident que finalement, par la cotisation, sans publicité à faire, sans actionnaires à rémunérer, finalement, l'économie d'échelle fait que c'est quelque chose qui coûte moins cher, qui est beaucoup plus égalitaire, puisqu'on cotise selon nos moyens, c'est un pourcentage de notre salaire, donc c'est quelque chose qui est formidable et très injustement décrié, mais on s'est décrié une fois de plus à dessein, parce que c'est des intérêts, c'est 2 fois et demi le budget de l'État, la sécurité sociale, donc vous imaginez bien que ça aiguise un peu les appétits de certains. Je crois que ce qui est important aussi à dire dans cette période-là du CNR, c'est qu'ils mettent en place tout ça quand la France est ruinée, quoi. Et ça marche, et parce qu'on organise le partage. Donc vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, vous êtes en train de dire que, et là je vois bien la résonance avec aujourd'hui, que si on n'a pas forcément les moyens budgétaires, si on a une volonté politique, on y arrive. Bien sûr, la volonté du partage, tout simplement. On n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. La France n'a pas cessé de s'enrichir depuis 1944. Et pourtant, on se retrouve avec 9 millions de pauvres, on se retrouve avec des disparités considérables. C'est pas que ça ne marche pas, c'est juste qu'on n'a pas la volonté politique, ou en tout cas le rapport de force suffisant pour organiser ce partage. Mais faut pas nous faire croire que la sécu c'est plus possible, les services publics c'est plus possible. Non, c'est que on n'a pas la force politique et la volonté de mettre en place tout ça et d'organiser le partage correctement. Vous disiez tout à l'heure, oui, ce programme apparaîtrait comme d'extrême gauche. Alors peut-être aujourd'hui, vu le tournant libéral qui a été pris, mais moi je vois plutôt la social-démocratie là. C'est ça, la social-démocratie sur le modèle français, scandinave, allemand. On voit plutôt ça, non? L'État régulateur, en tout cas, protecteur. Oui, vous avez raison. En tout cas, c'est sûr que c'était pas la révolution dans le sens où on n'a pas abattu le capitalisme. Mais c'était juste le réguler, le contraindre. Mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui dans notre échiquier politique avec notre regard d'aujourd'hui, je pense qu'on peut le mettre vraiment à l'extrême gauche, ce programme-là. Mais pourtant, c'est un peu contradictoire. C'est que finalement, plus la France s'enrichit, plus elle est individualiste et plus le curseur glisse vers la droite et privilégie l'intérêt particulier par rapport à l'intérêt général. Ce qui devrait être le contraire. Normalement, plus on accumule, plus on serait en capacité de partager. Alors, dernière question, tout de même, je l'ai gardée pour la fin. Le vote des femmes. Oui. C'est après le CNR. Il n'y a pas forcément le CNR. On regarde aujourd'hui, il y avait la question de la décolonisation était pas posé correctement. Le vote des femmes. Pareil, le vote des femmes n'était pas, et il a fallu effectivement, c'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, je crois que c'était vraiment les radicaux qui s'étaient opposés à ça, parce qu'ils disaient, les femmes vont voter comme le curé. C'est la gauche cassoulée, les radicaux. Laïque, franc-maçonne. D'accord. Et donc voilà, c'est ce qu'on m'a raconté comme anecdote, vous en faites ce que vous voulez. Très bien. On va voir ce que j'en fais. En tout cas, merci. Merci pour l'invitation et la qualité de votre émission. Merci beaucoup, Gilles Perret. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'œuvre du CNR, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Roland Mahé qui était à la technique aujourd'hui.